Bon, alors concrètement, ça se passe comment la bouffe? Ça dépend un petit peu à quel étage on est. Il y a ceux de l'étagère qui ont droit à l'infantilisation des couverts en plastique. Donc déjà, ça fait très camping, mais ceux du premier étage, ils mangent dans leur cellule. Ceux du second étage, ils mangent tous dans le couloir, sur les grandes tables. Moi, j'aime bien être dans mon coin. Et puis honnêtement, déjà la nourriture de loin, elle ne me tente pas, mais la voir de près et voir ce que les autres arrivent à le mettre en bouche, je ne pourrais pas. Donc moi, je fais 5 jours semaine au minimum ma nourriture moi-même. Ça se résume toujours à des légumes. Bon, cuitons un œuf quand on n'a pas de tac. Vas-y. On s'achète un super percolateur, même qu'on n'aime pas le café. On met un petit peu d'huile sur la tac et on éclate notre œuf. Hein. Et œuf par œuf, 3 et voilà minutes top quoi. Chrono. Vous savez comment cuire un œuf à Birkenstock sans tac. La bouffe, elle est bonne, ça c'est bonne en fait. Parce que tout ce qu'on peut manger, que ce soit des pâtes, de la viande, des haricots, des patates, de la purée, enfin, et ben ça n'a pas de goût. Et ça n'a pas d'odeur. Vous demandez-le pourquoi? Je ne le sais pas, j'ai pas demandé à la cuisine. Lola, peut-être pourra dire quelque chose? Oh là là, Lola là-dessus, elle mange pas grand-chose à Birkenstock. Bon, mais pourquoi les filles grossissent alors? Je sais pas, moi j'ai pris du 17 kilos en 22 semaines, moi je suis heureuse, cure thermale gratos. Moi j'ai pris 40 kilos en 3 ans. Parce que vous faites que manger. Ouais, ça c'est peut-être vrai, mais on s'ennuie aussi, hein. Donc l'ennui est compensé par la bouffe.